C'est le number one, ma gueule. Ok, ok. Philosophique soon. Ok, tu connais le rap, et moi tu me connais pas. Ici ça parle de galère et des tubes qu'on n'a pas. Envoie comme un pas pour éclater les tympans. Je veux pas épater les tympus, mais que nous détape à ces tabus. J'apporte le nouveau rap, comme gros dash, ça vient de l'Essonne. Fais mes sons, c'est pas pour les grosses tâches que mon son résonne. Je m'adresse à tous mes potes, tous mes proches. C'est pour ça que je m'accroche et que je crache. C'est trash, tu mon sac dans mes poches. Quand je prends le mic, c'est pas que moi, c'est toute ma ville. Arrêtez de croire qu'une putain de bouteille, c'est toute ma vie. J'aimerais être toi, je dis pas que ça me plairait pas d'être roi. On passe notre temps à se plaindre, pourtant Paris, c'est pas des droits. À ce qui paraît, je la relève avec un goût amer aux lèvres. Un peu poète, même si je dis souvent, nique ta mère Olive. Street Dangerous, BMC, c'est les ta Marwan. Ici, c'est Paris, Paris, je tue en bas ton Marwan. Tout le monde a même, moi c'est la merde. Je me retrouve à pécho, je chie dans la merde. C'est mal, t'es de sa coche. Bah ouais, on dit les pings, te tire au fond. Et c'est qui ça roche. Le poivre et les décis, j'en ai un décis. Je m'apprécie, c'est pour ça que t'apprécies. L'écriture et le flow, mais quel vrai, quel faux. Moi je m'en tape, c'est tout faux. En mode Smirnoff, Polyakov. J'ai la rime Kalashnikov, cocktail Molotov dans le coffre. C'est pour les faux refs qui lèchent les cups. Mon rap sort de mon cœur et tous mes potes en veulent encore. Pas de rancœur, des brancards, ma gueule, moi je vise le record. Tu m'épaisses dans le corps. Si tu me trouves la peau, tu vas tousser. Rien à foutre de ta gonflette. C'est l'écriture que j'ai poussée, mec, le but c'est déchirer le mic sans avoir de budget. Depuis que j'ai commencé, j'en vois trop qui veulent bouger. Morale de naufragé. Y'a des jours avec et des jours sans. Des jours sont mes pour le son. Je me donne à 100%. C'est pour ça que je donne ça. Que j'étais comme ça, je suis comme ça. C'est ma vie, faut pas que je comme ça. Je reste vrai dans mes écrits. Je pense à mon entourage qui m'encourage. Tu sais que pour mon cœur, bah c'est du rembourrage. Et je rends hommage à tous ceux qui retournent pas leur veste. Ça sert à rien de dire qu'on est potes si ça n'a pas l'air vrai. Dis-ra-ra. Tout le monde a